abus. Manquer plaire, mais tu ne l'as pas eu. Je te l'avais donné. Mais toi tu ne sais que voler. En le piétinant, en le déchirant. Mon cœur pleure, mais tu ne l'as pas vu. Mon cœur pleure, mais tu ne l'as pas eu. Tu ne comprendras pas plus. Que pour toi je pleure, parce que sans moi tu as tout perdu. Parce que sans moi tu as tout perdu. Mon cœur pleure, mais tu ne le verras plus. Le piétinant, le déchirant. Mon cœur pleure dans une joie pleine.